Un fait. Deux tours. Trois cages. Quatre pages. Cinq bouches. Six singes. Sept filles. Huit vaches. Neuf cœurs. Dix fers.